Les jumeaux Weasley, une histoire écrite et lue par J0305. Draco avançait à une vitesse folle dans les couloirs. Tout empressé qu'il était d'arriver à l'heure à son rendez-vous, il marchait néanmoins avec dignité, la tête haute. Crabbe et Goyle ne l'accompagnaient pas cette fois, car ce rendez-vous devait rester secret. Il espérait également de tout son cœur ne pas croiser Potter sur son chemin, puisque cet idiot lui poserait assurément des questions auxquelles il ne souhaitait pas du tout répondre. Heureusement, les couloirs étaient relativement déserts en ce dimanche après-midi, et le Serpenteur put s'éclipser discrètement dans la cour afin de rejoindre Pré-au-Lard. 2h-10. Il serait à l'heure, mais pas en avance. Cela lui tira une grimace. Il aurait souhaité conserver une réputation de ponctualité absolue. Tout ça était de la faute de Pansy, qu'il avait retenu pour qu'ils terminent leur devoir de métamorphose ensemble. Lorsque la cabane hurlante se dessina dans son champ de vision, le jeune aristocrate ne put empêcher un frisson de parcourir son corps fin. De tous les endroits possibles, il avait fallu que les jumeaux choisissent cette horrible cabane hantée. Draco n'avait pas si peur que ça, mais il était tout de même légèrement mal à l'aise. Malgré tout, il devait admettre qu'au moins, à cet endroit, ils étaient certains de ne pas être dérangés. L'année dernière, lorsque les jumeaux étaient encore à Poudlard, ils avaient pris l'habitude de se rencontrer soit dans la salle de bain des préfets, soit dans la salle sur demande. Le seul problème étant qu'ils n'étaient pas les seuls élèves à vouloir utiliser ces lieux prisés. La cabane hurlante, au contraire, les laissait avec une intimité complète, et de toute façon, les jumeaux pouvaient difficilement le retrouver à Poudlard depuis qu'ils n'y étudiaient plus. Il toqua 3 coups contre la porte en bois avant d'y pénétrer furtivement. Il ne voulait pas que qui que ce soit l'aperçoit venir ici. La première chose qu'il remarqua en entrant fut que l'intérieur avait été nettoyé. Il remercia mentalement les Weasley d'avoir pris cette initiative, car s'il y avait bien une chose qui lui faisait horreur, c'était la poussière et les toiles d'araignée. Dans la pièce principale, sur le matelas qui paraissait être d'un confort acceptable, étaient nonchalamment installés 2 jeunes hommes roux que Draco avait appris à apprécier depuis un peu plus d'1 an. Fred, qui s'était récemment fait percer les oreilles, avait attaché ses cheveux en chignon pour le plaisir du blond, qui trouvait cela plutôt sexy. Quant à George, ses cheveux retombaient avec grâce sur ses larges épaules et les premiers boutons de sa chemise avaient déjà été détachés. « Salut !» bredouilla le plus jeune, intimidé malgré lui. De 2 ans son aîné, les Weasley avaient considérablement grandi et Malfoy se sentait minuscule tout à coup, sous leur regard clair, amusé. Il lui faisait parfois penser à Blaise, mais en version griffon d'or. « Salut Draco, toujours aussi mignon, comment t'as Fred ?»« Et bien coiffé, comme d'habitude !» ajouta son frère en souriant en coin. Récemment, il avait laissé pousser ses cheveux et renoncé au gel. Ça semblait faire le bonheur de ses fauteurs de troupe préférés, qu'il détaillait avec ravissement. « Je pensais qu'on se reverrait plus, vu que vous avez votre boutique maintenant. »« Qu'est-ce que tu racontes encore ?» s'indigna George. « On peut trouver un peu de temps dans notre horaire pour un joli garçon comme toi. » C'était une autre chose. Les jumeaux avaient pris l'habitude de flirter constamment avec Drago, ce qui était justement la raison principale de leur rendez-vous régulier. Le petit prince des Serpentards était un atout très prisé, et les 2 frères avaient tout fait pour être les premiers à parvenir à le séduire. « Tu te rapproches ou on doit aller te chercher ?» s'enquit Fred, d'une voix suave. Ses intentions étaient claires, et l'espace libre entre les 2 hommes sur le lit semblait avoir été réservé spécialement pour leur invité d'honneur. Ce dernier était couleur griffon d'or, brûlant d'envie et de gêne mélangés. Il s'approcha lentement et s'échoua sur le matelas où il fut assailli de toutes parts. Les lèvres de George l'embrassèrent d'abord chastement sur la joue alors qu'il caressait ses mèches platines, puis il glissa ses mains impatientes sous son haut et l'embrassa avec ferveur sur les lèvres. Derrière lui, le corps de l'autre jumeau l'emprisonnait dans une ferme étreinte tandis qu'il jetait son dévolu sur le cou pâle de sa princesse. Draco lâcha un gémissement audible en agrippant les larges épaules face à lui. Vous l'avez dit à personne, hein ? Voulut-il s'assurer, car sa réputation serait ruinée si c'était le cas. La plupart des autres élèves assumaient simplement qu'il était en couple avec Pansy ou Blaise, ou même les 2 en même temps, et ses amis prenaient un malin plaisir à ne pas les détromper. Cependant, la vérité était tout autre, et il souhaitait qu'elle demeure cachée. Charlie est au courant. Quoi ? Mais je vous avais dit... Ah ! Une morsure légère sur sa nuque l'avait fait taire. Tes amis sont au courant. Pourquoi pas Charlie ? Tu peux pas trouver une meilleure personne pour garder des secrets. Il nous a jamais trahis aux parents quand on faisait des conneries jeunes. Et je t'assure qu'on en faisait vraiment souvent. Il commençait à te trouver mignon. Il fallait qu'on marque notre territoire. Ah, donc c'était pour ça. Les deux frères devenaient possessifs. Déjà qu'ils arrivaient à se partager leur jolie princesse sans trop se disputer, il n'y avait pas moyen que Charlie s'intéresse lui aussi à leur précieux trésor. De toute façon, Drago ne le connaissait pas vraiment, même s'il devait admettre que, pour l'avoir aperçu une fois, il était bien loin d'être moche. On travaille sur un nouveau produit, lui indiqua alors Fred, avec une pointe d'amusement. Je pense que tu l'aimerais peut-être. Il haussa les sourcils, sceptique, puis soupira. Avec vous, je m'entends à tout. C'est une potion aphrodisiaque, précisa Georges, tout en l'allongeant avec expertise sur le matelas. Le blanc se cacha dans l'oreiller, car les deux paires de yeux bleus comme l'océan lui coupaient le souffle. Elle n'est pas encore tout à fait au point. On voulait savoir si t'aimerais la tester pour nous. Oh, c'est pour ça que vous êtes venus? Impossible de ne pas dénoter la déception dans sa voix. Il se mordit la lèvre, regrettant d'avoir été aussi transparent. Mais non, c'était juste une proposition. On peut très bien y aller avec la technique manuelle, sourit Georges en glissant ses doigts le long de sa cuisse. Le plus jeune frissonna à nouveau et croisa le regard attentif des deux hommes face à lui. Ok, je veux bien essayer la technique manuelle, dit-il, presque comme si les mots employés lui écorchaient la gorge. Sa timidité ne faiblissait pas avec le temps, et celle des jumeaux, eh bien, elle n'augmentait pas avec le temps. Toujours aussi direct, le taquinant sur tout et n'importe quoi, n'hésitant jamais à foncer tête première dans tout ce qu'ils entreprenaient, tels les terribles griffons d'or qu'ils étaient. Le blond mentait souvent en prétendant que ça l'agaçait profondément. Mais la vérité, c'était que ça lui plaisait beaucoup trop. Deux regards saphirs amusés s'affrontèrent. Puis sans avoir besoin de discuter, l'un se jeta sur les lèvres de Drago en retirant sa chemise et l'autre embrassa langoureusement son ventre de plus en plus bas, tout en lui retirant ses pantalons ainsi que ses sous-vêtements. Nu et gêné, le plus jeune se cacha à nouveau dans l'oreiller, brisant le baiser qu'il échangeait avec Fred. Il lâcha un petit son de plaisir malgré lui sous les traitements de Georges. C'était bien trop agréable de se laisser voguer entre les mains expertes des jumeaux qui adoraient le combler de toutes les manières possibles. Lorsqu'il fut prêt, autant physiquement que mentalement, il releva ses yeux argentés débordant de désir vers les deux hommes. Eux-mêmes se défiaient déjà l'un l'autre, cherchant à savoir qui ferait l'amour au joli blond en premier. Drago s'impatientait. De toute façon, ils allaient le baiser tous les deux au final, donc peu importe qui commençait. Finalement, ce fut Fred qui sortit vainqueur de leur petit duel péril et il surplomba son amant avec un rictus satisfait. « Tellement joli !» murmura-t-il avec adoration, en caressant la joue pâle sous lui. Elle s'empourpra à son toucher, se colorant d'un rose aussi mignon que sexy. Drago le pressa de s'y mettre en collant son bassin contre le sien. Il devait être de retour à une heure décente pour ne pas que les autres serpenteurs s'inquiètent de son absence, et même s'il appréciait énormément leur rencontre pour le moins charnelle, elles étaient épuisantes pour lui. Quand Fred en eut fini avec lui, il était alangui sur le matelas, la tête légère et le corps encore parsemé de sueur. Chacun des jumeaux l'enlaçait de part et d'autre. « Les gars, quand je vais graduer de Poudlard, est-ce qu'on va continuer ça? »« Ça? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? » s'enquit innocemment Georges. Le blond le fusilla du regard. « Nos rendez-vous, » précisa-t-il. « Il va falloir qu'on te montre notre pièce secrète à la boutique, » dit Fred d'un air complice. « On aura nos rendez-vous là-bas. » Son frère approuva en hochant la tête. « C'est l'endroit parfait pour notre princesse, hein? » Il attira Drago à lui et l'embrassa voluptueusement. L'autre jumeau rigola, malicieux, puis quitta la chambre avec un sourire en coin. Le serpentard se fit embarquer dans un second round tout aussi délicieux que le premier. Il en oublia la raison même de ses inquiétudes. « Princesse, il aimait beaucoup trop ce surnom pour son propre bien. » La dernière année scolaire de Drago se termina sans trop de vagues. Personne n'avait percé à jour son petit secret, et le regard suspicieux de Potter s'était adouci en quelque chose de plus amical. Le blond respirait enfin sereinement, ayant obtenu de bonnes notes dans tous ses aspics. Il déambulait nonchalamment dans les couloirs quand il se fit brusquement tirer vers l'arrière et plaquer contre le mur. Il releva les yeux, effrayé et confus, rencontra un tas de taches de rousseur et des cheveux roux. Mais ce n'était ni Fred, ni George. Weasley? Bafouilla Drago? Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu Bill dire à maman que Percy soupçonnait Charlie d'être au courant que Fred et George couchaient avec toi. En un clin d'œil, le garçon à la poupole se transforma en pivoine bien rouge. Il bégaya plusieurs secondes avant de répondre intelligiblement. « Tu devrais pas croire tout ce que t'entends. »« T'es tout rouge. J'y crois pas. Tu tapes mes frères. »« Quoi, t'es jaloux ?» rétorqua le Serpentor. Il se mordit la joue en réalisant qu'il ne venait que de confirmer les soupçons de Ron. « Peut-être, » répondit celui-ci, au plus grand étonnement de Drago. « Quoi ?»« Oui, je suis jaloux. » Il se pencha, embrassa le blond sur la joue et disparut aussi vite qu'il était apparu. Le cerveau du blond refusait de continuer à fonctionner. Il semblerait qu'il ait un sérieux problème avec les Weasley.